Les délégués qui ont participé à la célébration du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée ont visité l'exposition de photos et l'exposition nationale des œuvres littéraires fiction et des maquettes des enfants 2016 consacrée à l'anniversaire de l'organisation. Ils ont passé des moments agréables au Delphinarium et au parc d'attractions du peuple de Rungna, au parc aquatique de Munsu et au parc de la jeunesse de Kaesŏn.